Avec Audiolib, écoutez le prix Goncourt. Pour le commerce, la guerre présente beaucoup d'avantages, même après. Au revoir là-haut, de Pierre Lemaître, en librairie et sur audiolib.fr. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Les éditions de Fallois publient un roman historique inédit de l'académicien Marcel Brion qui raconte la chute de l'Empire Inca. Son titre, Ivre d'un rêve héroïque et brutal. De quoi donner des idées à Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Ce titre est tiré bien évidemment du beau poème de José María de Heredia, un poème qui avait été dédié au conquistador, vous savez, comme un vol de gerfaux hors du charnier natal, fatigués de porter leur misère hautaine, de palos de moguer, routiers et capitaines partaient, ivre d'un rêve héroïque et brutal. Marcel Brion, que je cite souvent à ce micro parce qu'il était un merveilleux écrivain d'histoire, a repris ce vers pour en faire le titre de ce roman, un roman écrit probablement pendant les années 30 et jamais publié. Sa fille Agnès a retrouvé ce manuscrit, elle le fait paraître pour notre plus grande joie. Et pour en parler, j'ai invité une de nos meilleures romancières historiques, elle-même très au fait des grandes découvertes, nous allons y venir, Alexandra Lapierre. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Julia sur l'origine des couverts de table. Mais pourquoi pas? J'aime vos petits défis journaliers, chers auditeurs. Pour le moment, ce sont les Incas qui nous attendent. Nous allons conquérir le fabuleux métal que Cipango mûrit dans ses mines lointaines et les vents alizés inclinent leurs antennes au bord mystérieux du monde occidental. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Comment se faire une idée aujourd'hui de l'éblouissement des conquérants, des conquistadors espagnols, de Francisco Pizarro et de ses hommes, lorsqu'après un interminable et périlleux voyage, ils sont tombés sur les splendeurs de l'Empire Inca? Ça devait être tout bonnement incroyable. Les voilà soudainement en présence d'une des plus brillantes civilisations de toute l'histoire, qui étend son emprise sur un territoire immense, hein, près d'un million de kilomètres carrés, autant dire près de deux fois la France, du nord du Chili et de l'Argentine jusqu'à la Colombie, l'essentiel se situant évidemment dans l'actuel Pérou. Qui sont donc ces Incas, dont la capitale est Cusco, une ville d'environ 300 000 habitants, perchée en altitude à quelque 3 400 mètres? Très vite, les Espagnols comprennent qu'ils sont tombés sur le plus grand, sur le plus peuplé, le mieux organisé, et ce qui importe surtout à leurs yeux, sur le plus riche de tous les peuples de cette Amérique dite précolombienne. Eh bien, ces Incas, il faut vous dire qu'ils sont issus d'une tribu originaire justement de la région de Cusco, tribu qui, peu à peu, a su imposer son autorité sur ses voisines. L'expansion des Incas est très récente au moment où les Espagnols arrivent, puisque les Espagnols arrivent dans les années 1530 et l'expansion, elle a lieu au milieu du 15e siècle avec un chef qui s'appelait Pachacuti. En quelques années, disait Guy Hannequin dans Historama, en quelques années, au cœur du 15e siècle, Pachacuti et son fils Tupayucanti avaient conquis un puissant empire du nord du Chili à l'actuel Équateur. Ils avaient réussi à donner une unité politique et administrative à tout ce complexe andin, celui des hautes terres, comme celui du littoral. Une douzaine de millions d'Indiens étaient soumis à leur autorité, moins conquérants que ses ascendants, Huayna Capac a régné de 1493 à 1525-27. Huayna Capac hisse la puissance Inca à son apogée. Ce Huayna Capac, c'est le père d'Atahualpa, le dernier Inca dont je vais vous raconter cet après-midi la bien triste histoire. Vous avez entendu parler peut-être de la religion de ces Incas qui rendent un culte au soleil appelé Inti, le soleil étant représenté par la fameuse statue solaire, installée installé dans le temple du soleil de Cusco. Tintin n'est pas loin cet après-midi, évidemment. En 1528, la mort de Huayna Capac va provoquer chez les Incas une véritable crise, qui est une crise de succession assez classique, finalement. Deux de ses fils se disputent l'empire. Huascar, qui est son fils aîné, qui est l'héritier légitime, et Atahualpa, donc, qui lui est né d'une concubine et qui, en vérité, avait la préférence de son père qui voulait lui transmettre le pouvoir. Il faut dire que chez les Incas, les règles de succession ne sont pas très claires. Le pouvoir revint souvent, nous dit Hannequin, au plus décidé et au plus entreprenant des parents du défunt. Atahualpa est soutenu par les provinces du Nord, notamment par Quito, et Huascar, donc son demi-frère, s'appuie, lui, sur la capitale traditionnelle de l'Empire, dont il a été le gouverneur. Pas un personnage très entreprenant, ce Huascar. Jean Bablon, qui connaît si bien le XVIe siècle, nous dit qu'il était un pacifique et débonnaire, amoureux et perdu de sa maîtresse, l'Étoile d'Or, soucieux seulement de chasse, de fête et de plaisir. Un caractère un peu indolent, disons-le, assez flexible aussi. Alors que Atahualpa, lui, c'est la bravoure, c'est la détermination. La volonté qu'avait eu leur père, Capac, de choisir Atahualpa, avait jeté, semble-t-il, le désarroi parmi la famille royale, parmi les généraux, les gouverneurs, bref, dans les élites de l'Empire. Les deux héritiers vont plonger cet empire inca dans une véritable guerre civile. En 1529, Atahualpa est emprisonné par les hommes de son demi-frère, donc de Huascar, et ce dans des circonstances troubles. Les fidèles de Huascar assurent que ça s'est passé lors d'une bataille, un combat régulier. Ceux d'Atahualpa parleraient plutôt d'une capture lors d'un déplacement sans escorte. Atahualpa, en tout cas, a réussi à s'échapper grâce à quelques-uns de ses partisans qui se trouvaient dans le camp de son demi-frère. Il rejoint sa capitale à lui, Quito. Il réorganise son armée. Il va lancer une grande attaque dans le nord. Il prend des villes. Son armée, disons-le, à ce moment-là, commet de grandes atrocités. Et les habitants vont fuir vers le nord, ce qui va avoir tendance à renforcer les provinces qui sont restées loyales à Huascar. En 1530, Huascar envoie de son côté son armée dans le nord. L'objectif, c'est de prendre la capitale à Atahualpa. Mais c'était mal connaître, évidemment, ce chef bouillant qui réussit avec 4 de ses généraux à reprendre le pouvoir. Et là, c'est de nouveau une série d'exécutions assez dures. Les chefs de l'armée de Huascar, notamment, sont l'un après l'autre exécutés. L'armée d'Atahualpa commence à reprendre à ce moment-là la route du sud. En 1531, Huascar envoie une nouvelle armée qui de nouveau est battu. Atahualpa reprend sa progression vers le sud, vers la capitale, Cusco, et en 1532, il tombe dans une embuscade, il est fait prisonnier. À ce moment-là, c'est Huascar, hein, c'est le souverain légitime qui est fait prisonnier, et à ce moment-là, son frère prend donc le pouvoir. Atahualpa devient l'empereur inca, le 13e du nom seulement, encore une fois. Vous voyez que nous ne sommes pas en présence d'une très très ancienne dynastie. Atahualpa se met en route donc pour Cusco avec son demi-frère qu'il promène enchaîné. Il est à mi-chemin entre sa capitale à lui, Quito, et la capitale de l'Empire, Cusco, lorsqu'il reçoit cette nouvelle incroyable, la nouvelle de l'arrivée d'hommes blancs et barbus dans la baie de Tumbes. Ce qu'il faut vous dire, c'est que avant même l'arrivée des Espagnols, un violent mouvement d'opinion s'était déjà fait jour. Si tant est qu'on puisse parler de mouvement d'opinion dans l'Empire Inca, hein, évidemment, faut prendre tout ça avec des entre guillemets, si je puis dire. Mais en tout cas, il était devenu très impopulaire cet Atahualpa du fait notamment des extrêmes violences dont ses armées s'étaient rendues coupables. Voici ce que nous dit Marcel Brion dans son roman Ivre d'un rêve héroïque et brutal. Les légitimistes péruviens, donc les partisans d'Huascar, voyaient en lui, en Atahualpa, un usurpateur qui s'était emparé par la violence du trône appartenant à Huascar. La foule gardait un souvenir épouvanté de la rage méthodique avec laquelle il avait fait assassiner, au cours d'un banquet, tous les membres de la famille royale, femmes et enfants compris, afin que nul ne pût dorénavant lui disputer le pouvoir. Devenu hostile au plus grand nombre de ses sujets, l'Inca gouvernait encore par la terreur, mais la moindre fissure qui se produirait dans l'architecture précise et rigoureuse de l'Empire entraînerait tout l'édifice dans une ruine d'autant plus complète que l'organisation bureaucratique était plus méticuleusement hiérarchisée. Les bonnes gens hochaient la tête et prédisaient qu'Atahualpa finirait mal. On n'outrage pas impunément les lois divines et humaines. Un jour, Des messagers descendraient du ciel pour châtier le criminel, des étrangers au visage blanc, aux cheveux de feu, parlant une langue inconnue et portant la foudre dans leurs mains. Or ça, et personne n'aurait pu le prévoir, évidemment, ça va être la malchance des Incas. Les Espagnols correspondent trait pour trait au signalement de ces superstitions populaires. C'est vous dire s'ils vont obtenir facilement le soutien du peuple Inca, qui les considère en quelque sorte comme ces justiciers célestes qu'on attendait. Sur Europe 1, un extrait de Remember a Heartbeat. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, notre dernier Inca, Atahualpa. Alors, cet Atahualpa va trouver sur son chemin le conquérant espagnol Pizarro. Il est temps peut-être que je vous parle de ce Francisco Pizarro, qui est un cousin de Cortés, qu'il admire beaucoup d'ailleurs. Il admire cette manière incroyable qu'a eu Cortés de s'emparer de l'Empire aztèque. Il rêve de l'imiter, bien entendu. Il est lui-même le fils d'un officier espagnol qui, très tôt, a dû gagner sa vie comme gardien de port, disait-on. Évidemment, c'était pas très prestigieux. Il a dû s'engager. C'est un homme totalement illettré et qui, du reste, ne pourra pas monter vraiment en grade de ce fait. Il part donc vite pour le Nouveau Monde en 1502. Il réussit en 1502. Il est né en 78, donc il a 24 ans. Il réussit aux côtés d'Alonso de Ojeda et de Vasco Núñez, ce qui lui permet de s'approprier pas mal de main-d'œuvre pour faire travailler des terres. Ce qui motive Pizarro, disons-le, c'est la recherche de l'or. Il va récupérer un navire et s'associer au Panama avec un autre aventurier et puis un prêtre avec pour objectif de découvrir un empire très riche qui répondrait au nom de Pirou et dont on a pas mal entendu parler. Les Espagnols, évidemment, se renseignent. À mesure qu'ils conquièrent des territoires, ils demandent où trouver de l'or, où trouver de l'or. Et on leur dit, oh, il y a un empire là-bas, le Pirou, qui est très, très, très riche. L'expédition prend la mer en novembre 1524, grâce à l'aide du Panama, donc du gouverneur local. Un navire, deux canots, 80 hommes, voyage complètement désastreux. Et c'est au moment d'un arrêt au-delà de l'équateur que des marchands indiens parle à ceux qui ont survécu d'un grand port situé plus au sud, le fameux Tumbes. A priori, l'hostilité des tribus côtières empêcherait la progression des conquérants dans cette région. Pizarro décide que c'est là-bas qu'il veut débarquer. Il attend des renforts du Panama qui n'arrivent pas. Le gouverneur a changé entre-temps. On propose simplement le rapatriement aux membres de l'expédition qu'il désire. Ce n'est pas grave. Pizarro propose au plus courageux de l'accompagner. Et quelle récompense a-t-il à leur offrir? Ben des promesses. Il leur dit qu'il partagera bien sûr le butin avec eux. Ils sont 12 au départ à se proposer pour accompagner Pizarro. C'est vraiment pas beaucoup. Il faut donc attendre. Ça va durer 7 mois cette attente afin que de nouveaux volontaires se présentent. Et ça, ce sera chose faite en 1528. Le port qui est visé sur la rive méridionale de l'actuel golfe de Guayaquil est atteint dans les semaines qui suivent. C'est le premier contact que va avoir Pizarro. Que vont avoir Pizarro et ses hommes avec cette fameuse grande civilisation inconnue. La ville elle-même de Tumbes est fortifiée, il est donc impossible de s'en emparer. Pizarro comprend la mesure des enjeux, il voit bien qu'il est là aux portes d'une chose extraordinaire Et très sagement, la première chose qu'il va faire, c'est retourner dans son pays d'origine, en Espagne, pour aller plaider sa cause devant le roi, qui est en même temps empereur, Charles Quint. Il est soutenu, bien sûr, par Cortés, par son cousin, notre Pizarro. Il se voit confier par le roi la conquête du Pérou. C'est ce qu'on appellera les accords de Tolède, en juin 1529. Il rentre donc aux Amériques. Je dis tout ça comme s'il s'agissait de prendre l'avion en classe affaires, mais évidemment, à l'époque, c'était pas si facile que ça. Il repart pour l'Amérique avec ses frères Hernando, Gonzalo et Juan. Il dispose de 3 navires, de 123 hommes, de 27 chevaux. Lui-même, parmi dans toute cette armada, si je puis dire, apporte 2 navires et 100 hommes. Alors, ce qu'il faut bien préciser, c'est que Pizarro connaît la situation de l'Empire Inca. Il est au courant de cette fameuse guerre civile dont je vous parlais. Et grâce à des Indiens qu'il a capturés, qui lui servent d'interprète, il n'ignore quasiment rien des hauts et des bas des 2 combattants, de Huascar et de Atahualpa. Il se rend auprès du nouvel empereur. Alors, là encore, c'est 2 mois d'un voyage long, très rude. Il faut imaginer un soleil brûlant, les nuits glaciales, la soif, bien entendu, l'épuisement. On marche dans des contrées très hostiles, bien entendu. Il y a même des neiges éternelles dans la cordillère des Andes. Vous voyez un peu la difficulté de ce genre de progression. Les soldats sont découragés, il faut le dire, mais Pizarro est là, qui essaie de les dynamiser, qui dans la pratique, disons-le surtout, les tyrannise. Ils arrivent finalement à Cajamarca, que je vais appeler Cajamarca si vous le voulez bien, qui est situé à plus de 3000 mètres d'altitude. L'air à ce moment-là, pour des gens qui sont habitués évidemment à nos faibles altitudes occidentales, c'est très très difficile, donc l'air vient à manquer, les Espagnols disent qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. Cette ville de Cajamarca est très intéressante pour Pizarro parce qu'elle a été abandonnée, le peuple a fui. Lui-même s'installe dans le propre palais d'Atahualpa, dont il va faire sa résidence. Il installe son armée dans les différents bâtiments qui entourent la place principale, très grande place principale. On se rend compte évidemment qu'on est en présence d'une civilisation tout à fait extraordinaire, au moins comparable, et encore, je suis gentil, avec ce qu'on peut trouver dans l'Espagne impériale de l'époque. On est là le 15 novembre 1532. Pizarro envoie un de ses proches, Hernando de Soto, à la rencontre de l'empereur. Alors, ça nous intéresse particulièrement parce que ce Hernando de Soto, c'est le héros qu'a choisi Marcel Brion pour nous raconter cette incroyable épopée. L'empereur Atahualpa est situé tout près, il est à 4 km seulement de Cajamarca. L'objectif, c'est de le rencontrer. Hernando de Soto s'habille, il met ses plus beaux vêtements, il se pare de plumes, il s'en va à la rencontre de l'Inca à dos de cheval. Or, et ça c'est aussi très important, jamais les Incas n'ont vu de cheval. Alors cet homme à cheval leur paraît une sorte de divinité correspondant assez bien aux prédictions qui ont été faites. Atahualpa va recevoir Soto. Il est habillé de laine blanche, très fine. La particularité des habits d'Atahualpa, c'est toujours d'être très, très simple. Voilà la description que nous donne Marcel Brion. Petit côté romanesque, évidemment. L'Inca était assis, jambes croisées à la manière des Turcs, sur une sorte de tromba qui avait été dressée au milieu du camp. Autour de lui se pressait une foule bariolée d'officiers et de fonctionnaires, chamarrés de laine multicolore, crêtés de panaches, agitant des éventails de plumes de perroquets et des chasse-mouches d'un jaune éclatant. Cette foule s'ouvrit devant Hernando de Soto, qui, sans descendre de cheval, enleva son chapeau d'un geste gracieux. L'Inca ne semblait pas l'avoir vu. Les yeux inclinés vers le sol, Atahualpa, indifférent à toutes les choses du monde, paraissait plongé dans une profonde méditation. Les seigneurs de sa cour, figés soudain dans une immobilité de statue, gardaient le même silence. On n'aurait rien pu voir de plus inquiétant et de plus sinistre que cette foule d'hommes bruns dont le regard impénétrable révélait soit une complète impassibilité, soit une prodigieuse forme de dissimulation. Sans se laisser décourager par la froideur de cet accueil, Soto fit faire une courbette à son cheval et, remettant sur sa tête son chapeau empanaché, récita de cette voix solennelle qui convient à un ambassadeur, l'ambassadeur d'un grand monarque, la harangue que Pizarro lui avait fait apprendre par cœur. Alors il fait son discours, qui est traduit par un interprète, bien entendu, tout ça dans une forme d'indifférence générale. Et Atahualpa va prendre la parole. « Dites à votre général que je ne peux le voir aujourd'hui car mon temps de jeûne et de prière n'est pas encore écoulé. J'irai le saluer demain. D'ici là, qu'il demeure dans les bâtiments que je lui ai assignés. » Atahualpa, nous dit Brion, attendait fasciné par les récits qu'on lui faisait de ces hommes vêtus d'armure et montés sur de fabuleux animaux. Il était comme hypnotisé par l'étrange prophétie de ses ancêtres qui semblait sur le point de s'accomplir. Ainsi pensait-il, les conquistadors étaient donc des Wiracochas, ces dieux blancs et barbus venus de l'Ouest et qui allaient dominer l'Amérique. À ça, il n'imaginait même pas à quel point. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à notre dernier Inca, Atahualpa et aux conquistadors. Alors, malgré ce qu'il avait dit, Atahualpa va changer d'avis. Et finalement, il se rend le soir même à l'invitation de Pizarre pour un souper qui promet d'être une sorte de rencontre au sommet. Il ne sera accompagné que d'une escorte sans armes. Quand même les Espagnols se méfient, ils savent que les forces sont complètement disproportionnées. Vous avez d'un côté les soldats de l'Inca qui sont au moins 100 fois, même sans doute plus que ça, 100 fois plus nombreux que les hommes armés espagnols. Alors c'est certes un armement primitif que celui des Incas, des dards, des javelots, des frondes, des lassos, mais c'est un armement important. Ils sont très habiles par ailleurs, les guerriers Incas. Pour ne pas se laisser surprendre, Pizarro établit donc un plan. Il s'agit de surprendre les Incas, des cavaliers tout équipés et les artilleurs, la mèche au point, seront là, cachés. En fait, cette tactique, c'était celle qu'avait déjà employé Cortés au Mexique, tout simplement. Et Pizarro ne fait que s'en inspirer. C'est la façon dont Cortés avait surpris Montezuma, l'empereur aztèque. Au coucher du soleil, Atahualpa s'avance donc vers la cité. Il faut imaginer un défilé de 2000 Indiens sublimement vêtus avec ces plumes de couleurs extrêmement vives. Il y a d'abord un escadron d'indigènes aux uniformes rouge ou vert, suivi de 3 compagnies de chanteurs et de danseurs, des esclaves qui portent des vases, des couronnes d'or et d'argent. Ensuite, l'empereur lui-même, assis sur un somptueux pavois, sorte de chaise à porteurs si vous voulez, puis d'autres seigneurs derrière, portés eux aussi sur des espèces de hamac. Le cortège entre dans la cour du palais. Il y a là un calme terrible. On pourrait imaginer que ça se fait dans le tumulte. Pas du tout. Seuls Pizarro et quelques capitaines sont là. Tout ça se passe dans un très grand silence. Le père Valverde s'avance à la rencontre de l'Inca. Voilà ce que nous raconte Thierry Jamin dans un très joli livre qui s'appelle « L'aventurier de la cité perdue ». Je le cite. « Le prêtre dominicain Fray Vicente de Valverde explique à l'empereur les préceptes de la vraie foi et de la toute-puissance du pape. Il lui demande au nom de Dieu et du roi Charles Quint de se soumettre à la loi du Seigneur Jésus-Christ. Atahualpa lui en demande la source. Valverde lui présente une Bible. L'Inca porte le livre à son oreille, assure que le livre ne dit rien et le jette à terre. » Vous imaginez le prêtre qui s'écrie « Sacrilège !» et dès lors on entend un autre cri « Santiago !» suivi d'un coup de canon. Et ça, c'est le signal qu'attendaient les Espagnols pour attaquer. Les Incas ne se défendent même pas. Atahualpa n'a pas eu le temps de donner l'ordre. Or, il faut que le chef Inca donne l'ordre dans les cas d'attaque. C'est une attaque complètement brusque, la surprise totale. L'empereur est pris à partie par Pizarro, qu'il fait tomber de son siège en lui tirant sur sa longue chevelure. Il le fait prisonnier. En attendant, 10 000 des hommes d'Atahualpa vont être massacrés. Aucun Espagnol n'est blessé, hormis Pizarro, qui a été blessé au bras, mais qui a été blessé par un de ses compatriotes. Enfin, vous voyez, c'est assez effroyable ce que je suis en train de vous décrire, évidemment. Atahualpa est emmené dans un de ses propres palais où il est emprisonné dans une salle de pierre et il entame là des négociations. Il propose d'échanger sa liberté contre un trésor. Il promet de remplir d'or la salle dans laquelle il est emprisonné jusqu'à hauteur de sa main levée. Et il ajoute le double de cette quantité en argent. Et tout ça en moins de 2 mois, dit-il. Bon, devant ça, Pizarro ne peut pas faire autrement. Il accepte. Alors on va tracer une ligne sur la paroi de la chambre pour connaître quel est le niveau d'or qu'il faut apporter. Et le peuple des Incas va peu à peu se mettre à essayer de remplir cette salle jusqu'au niveau indiqué. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Vous nous parlez cet après-midi dans Cœur de l'Histoire, Franck Ferrand, du dernier Inca, avec votre invité Alexandra Lapierre, écrivain, auteur de Je te vois reine des quatre parties du monde aux éditions Flammarion. Alors, bonjour Alexandra bonjour. Lapierre. Il faut peut-être que j'explique à nos auditeurs qu'Atahualpa ne va pas survivre à tout ça. Il est donc dans cette salle où on l'a enchaîné et on est en train d'augmenter, bien entendu, le trésor. Sa population arrive chargée de vaisselle précieuse, etc. Et on voit en quelque sorte monter cette marée d'or qui avait été promise aux Espagnols, sauf que pendant ce temps-là, la guerre civile, elle, continue, que Huascar va écrire aux Espagnols en leur expliquant que son frère ne connaît pas Cusco, que c'est lui le vrai maître de la cité, qu'il en connaît toutes les richesses, qu'il est capable de négocier avec eux et de leur offrir une rançon bien plus importante encore. Ce que Atahualpa, apprenant cela, il décide de faire tuer son frère, de le noyer dans la rivière d'Andamarca, dans son dernier soupir, le rival, si je puis dire, assure que les hommes blancs vengeront sa mort et qu'Atahualpa ne lui survivra pas longtemps. C'est exactement ce qui se passe. Pendant qu'on est en train de réunir ce butin, les Espagnols sont déjà en train de fomenter la mort d'Atahualpa. On peut dire que son sort est scellé. Jamais dans toute l'histoire il y avait eu pareil butin réparti publiquement en tant de mains, nous dit Thierry Jamin. En attendant, on va accuser Atahualpa d'usurpation, de fratricide, d'idolâtrie, de polygamie, de rébellion. Bah oui, évidemment, ces mœurs étant tellement différentes des mœurs chrétiennes qu'on est en train de venir imposer en Amérique du Sud, que il a un très grand nombre de chefs d'inculpation contre lui. Ce qui fait que le 29 août 1533, Atahualpa est baptisé et que quelques minutes plus tard, il est amené dans la cour de son palais pour y être garrotté devant ses sujets. Il est tué. C'est la mort du grand Inca, la mort du dernier Inca qui avait 30 ans tout juste. Thierry Jamin nous dit « Les conquistadors avaient commis une erreur en supprimant le dernier Inca. Son exécution intervint alors même qu'une importante quantité d'or acheminée sur 20 000 lamas convergeait vers Cajamarca pour hâter sa libération. Voilà de l'or que les Espagnols n'auront pas. Oh, on peut dire, Alexandra Lapierre, qu'ils se rattraperont bientôt. » Oui, je crois qu'ils ne se gêneront pas pour continuer leur pillage et pour s'approprier et tout détruire aussi. Parce que ce qui est très très frappant dans leur façon de traiter l'or, évidemment, c'est de pouvoir le rapporter en Espagne. Donc tous ces objets qui les ont éblouis, qui les ont fascinés. C'est-à-dire que ces objets sont sublimement, artistement ouvragés, ils vont tout fondre pour en faire de vulgaires lingots. Voilà, absolument. Donc c'est vrai qu'ils sont à la fois fascinés par cette civilisation dont ils n'avaient pas idée, et c'est assez intéressant parce que les récits sont enthousiastes sur la beauté de tout ce qu'ils découvrent. C'est un énorme paradoxe. Absolument, en fait, hein. Et ils détruisent systématiquement, évidemment, ce qu'ils vont découvrir. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois sidérés, éblouis, admiratifs lorsqu'ils découvrent effectivement les fameuses cités d'or des Incas, et puis simultanément ils n'ont rien de mieux à faire que de les massacrer, en fait. Oui, c'est vrai que c'est un espèce de double, enfin c'est tout à fait paradoxal et tout à fait explicable en même temps, puisque l'idée c'est de s'enrichir et de s'enrichir très vite en rapportant évidemment au roi les trophées, comment les emporter, comment les montrer. Donc on garde quelques objets quand même de façon à donner une idée de la richesse, mais en même temps, on détruit tout. La mort d'Atahualpa ne va pas mettre fin à la guerre civile, à la guerre interne aux Incas, en plus, c'est ce qu'il faut dire. C'est-à-dire que les Occidentaux, les Espagnols ont beau jeu dans cette affaire. Ils arrivent exactement à l'heure indiquée. Oui, ce qui est très très frappant dans le cas de Pizarro et dans le cas de Cortés d'ailleurs, c'est qu'ils n'ont gagné que grâce aux complicités et aux rivalités des Incas ou des Aztèques eux-mêmes. Et c'est assez intéressant parce que ça se fait à travers le langage. Dans le cas de Cortés, il a une traductrice qui veut la perte de Montezuma puisqu'elle appartient à une tribu qu'il a esclavagisé. Et dans le cas de Pizarro, c'est exactement la même chose. Et l'un des interprètes, qui s'appelle Felipillo, va traduire mal les propos d'Atahualpa de façon à précipiter sa fin. Et les Espagnols vont savoir très très très bien jouer de ces luttes. L'un et l'autre des deux demi-frères ont été constamment trahis par leurs propres hommes qui travaillaient comme des espèces d'agents doubles pour le rival. C'était, alors Alors finalement, c'est un autre frère qui va prendre. Troisième. Il s'appelle Manco Capac, oui, c'est ça? Manco Capac II. Oui. Absolument. Qui, lui, alors, est mis au pouvoir par les Espagnols qui pensent en faire un fantoche et un pantin à leur solde, et qui, il traite si mal ce Manco Capac que celui-ci va se rebeller et va mener contre les Espagnols une guerre absolument sans merci qu'il va être très très près de gagner. Parce que le grand défi pour Pizarro, c'est évidemment de prendre possession de ce gigantesque empire qui, d'un point de vue territorial, mais aussi du point de vue de la population, est presque ingouvernable. C'est gigantesque, hein, cet empire inca. C'est absolument quelque chose d'énorme, de très hiérarchisé, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est très très fascinant d'ailleurs. Tant que le chef n'a pas donné l'ordre, on ne se bat pas, oui, en fait. Hein. Oui, et en même temps, il y a des milliers de strates, oui, sociales qui bougent. Voilà. C'est subtil. C'est très très subtil et très très très bien organisé, mais tellement bien organisé qu'en effet, s'il n'y a pas d'ordre juste au-dessus, personne ne bouge. Les Espagnols n'ont pas du tout été formés, si je puis dire, pour comprendre une telle société. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Ils arrivent là avec leurs idées, leurs préjugés. Ils arrivent à coup de serpe, si je puis dire. On s'en rend compte en lisant l'ouvrage de Marcel Brion à travers les yeux donc de ce Hernando de Soto, qui est un personnage historique réel. Oui, totalement, et dont l'histoire est parfaitement respectée dans le livre de Marcel Brion. C'est vrai qu'Hernando de Soto, ce qui est formidable dans ce personnage, c'est qu'il incarne tous les autres. C'est-à-dire qu'il est comme Pizarro, comme Cortés, originaire d'Estramadour. Il appartient à de la toute petite noblesse, très très pauvre, et il est prêt pour s'enrichir et pour reconquérir les fastes de sa famille perdue à tout. Alors, vous qui êtes, Alexandra Lapierre, une grande romancière historique, vous êtes notamment l'auteur de cet ouvrage dont on va parler tout à l'heure, « Je te vois reine des quatre parties du monde ». Vous étiez venue nous parler de cette Isabelle Barreto, un personnage extraordinaire, la seule conquistador au féminin, en quelque sorte. Comment jugez-vous ce roman de Marcel Brion, qui est une redécouverte? C'est un livre qu'il a écrit dans l'entre-deux-guerres, très, très probablement, dont le style n'a pas vieilli, il faut le dire, mais en revanche, dont l'inspiration reste bien une inspiration datée du XXe siècle, ça oui. Oui. Ce livre m'a passionné parce que c'est tout ce que j'aime au monde, l'histoire d'un grand aventurier qui est à la fois un aventurier, et c'est ça qui est très très intéressant chez Hernando de Soto, c'est qu'il est à la fois un conquistador, comme vous l'expliquiez, mais qu'il est aussi un explorateur. Et que, évidemment, il cherche l'or, car l'or, pour les Espagnols, reste l'obsession absolue, et cette obsession a, comme nous le savons, conduit à la destruction systématique de civilisations entières. Mais dans le cas de Hernando de Soto, c'est aussi une grande curiosité avec l'idée de repousser les limites des mondes connus. Et du coup, c'est un personnage très intéressant puisqu'il va découvrir toute l'Amérique du Nord, enfin la Floride, il va découvrir le Mississippi. On a l'impression qu'il est un peu moins âpre au gain que Pizarro lui-même, que l'or n'est pas sa seule motivation. C'est peut-être une impression toute romanesque. C'est-à-dire qu'en effet, dans le livre de Marcel Brion, il est nettement plus humain, oui, voilà, que Pizarro. Il est contre la mort d'Atahualpa. D'ailleurs, il est tellement contre la mort d'Atahualpa que Pizarro l'éloigne et l'envoie à Cusco. Alors, dans la réalité, je crois qu'il était pas pour la mort d'Atahualpa, mais néanmoins, il n'était pas prêt à prendre les armes pour le défendre, et il passait dans la réalité pour particulièrement brutal et cruel, mais beaucoup plus intelligent que, évidemment, la plupart des soldats qui suivaient Pizarro. Et donc, Pizarro lui-même était intelligent, mais donc, du coup, plus intéressant et plus humain, dans la mesure où il est intéressé par des découvertes et pas seulement par l'enrichissement. Je vous rappelle le titre de ce roman qu'Alexandra Lapierre a lu pour nous, que j'ai lu moi aussi avec beaucoup de plaisir, pour tout vous dire. Ça s'appelle « Ivre d'un rêve héroïque et brutal », donc d'après le fameux vers de Heredia, aux éditions de Fallois, de Marcel Brion, de l'Académie française. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Musique traditionnelle d'Amérique du Sud, c'était un extrait de Lamento del Indio. Vous savez que ça vous va bien ce petit bonnet, je trouve. Oui. Formidable, oui. Vous nous parlez cet après-midi dans Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand, du dernier Inca, avec votre invité Alexandra Lapierre, écrivain, auteur de Je te vois, reine des quatre parties du monde aux éditions Flammarion. Eh oui, Je te vois, reine des quatre parties du monde, est réédité en pocket. Alors pour tous ceux qui ne l'ont pas lu dans l'édition de librairie, vous l'avez en édition de poche. De l'amour, du suspense et du souffle, un très grand cru, ne le ratez pas, dit elle. J'irai plus loin, je dirais que c'est une vraie redécouverte de l'époque, de ses mœurs, à travers le regard de cette femme, car c'est inouï qu'il y ait eu cette femme conquistador. Comment peut-on dire conquistadora, Alexandra? Oui, on dit conquistadora, oui, absolument. Mais elle appartient à la seconde génération, c'est-à-dire qu'elle est fille de conquistador. Oui, tout à fait. Mais le rêve, et pour reprendre le titre du livre de Marcel Brion, l'ivresse d'un rêve héroïque et brutal habite à jamais les enfants. La deuxième génération. Et pour cause, parce que c'est la deuxième, presque troisième génération, ça dépend de à quoi on fait référence. En tout cas, ils ont été bercés de découvertes dont on ne peut même plus se faire une idée. Comment vous faire comprendre ou toucher du doigt ce qu'a pu être la stupéfaction de ces conquérants occidentaux européens lorsqu'ils ont débarqué dans ces civilisations anciennes, et très particulièrement chez les Incas? C'est William Prescott qui raconte ce à quoi ressemblait Cusco à l'époque. L'édifice le plus important, dit-il, était la forteresse dite de Sacsahuaman, plutôt, plantée sur un roc solide qui s'élevait hardiment au-dessus de la cité. Elle était construite en pierre de taille si délicatement travaillée qu'il était impossible de découvrir les joints des blocs. Ses approches étaient défendues par trois parapets demi-circulaires formés de masses de rochers si énormes qu'ils ressemblaient à ce genre de construction connue des architectes sous le nom de cyclopéenne. La forteresse atteignait à une hauteur rare dans l'architecture péruvienne. Du sommet de la tour, l'œil du spectateur planait sur une magnifique perspective où les formes sauvages des montagnes, les rochers, les bois et les cascades se mêlaient à la riche verdure de la vallée, avec la brillante cité au premier plan, le tout fondu dans une douce harmonie sous l'azur profond d'un ciel tropical. Mais que dire encore ? Le plus somptueux édifice de Cusco au temps des Incas était sans aucun doute le grand temple dédié au soleil, qui, incrusté de plaques d'or, était entouré de couvents et de dortoirs destinés aux prêtres, avec des jardins et de larges parterres étincelants d'or. Mais c'est de l'or comme s'il en pleuvait, Alexandra Lapierre. Oui, alors aujourd'hui, quand vous allez à Cusco, vous avez exactement la même impression d'une architecture cyclopéenne, d'une beauté, d'une puissance. Il n'y a plus l'or. Mais il n'y a plus l'or, parce que la première chose, évidemment, que les Espagnols ont prise, c'est l'or. Et c'est vrai que cet or qui va financer toutes les guerres européennes. Il faut imaginer que grâce à cet or, Charles Quint va pouvoir combattre et gagner. Donc l'Espagne, à ce moment-là, va prendre l'essor qu'on lui connaît et va dépendre complètement de cet or qui arrive du nouveau continent, du nouveau monde. Alors, et ça, c'est une question que je me suis souvent posée. Peut-être allez-vous pouvoir y répondre, Alexandra. Comment expliquer que ces hommes qui s'étaient rendus maîtres de si grands empires et qui rapportaient dans l'Europe, à l'époque un peu exsangue, des sommes et des quantités d'or et d'argent aussi phénoménales, comment expliquer que ces hommes ne se soient pas rendus les maîtres, n'aient pas pris le pouvoir, si je puis dire, dans une Espagne qui va rester tout à fait légitime et légitimiste en quelque sorte? Il n'y a pas de basculement du pouvoir. Il n'y a pas de basculement du pouvoir parce que Charles Quint tient le pouvoir très fermement. Mais il n'a pas les mêmes arguments, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, mais néanmoins, la légitimité et la religion, on évoquait la conversion d'Atahualpa et l'extraordinaire puissance de la religion, va permettre d'empêcher que les conquistadors prennent le pouvoir. Mais ils vont tenter de le prendre au Nouveau Monde. Et voilà. Et la guerre civile entre Espagnols va éclater tout de suite, très vite. Donc, si l'idée de prendre le pouvoir est quand même au cœur de l'aventure des conquistadors. Il y a une des conséquences de cette aventure que nous n'évoquerons pas aujourd'hui, mais qu'il faut juste signaler, c'est les perturbations considérables que ça a créées sur les finances européennes de l'époque, puisque d'un seul coup, vous avez un afflux de métal précieux qui va dévaluer considérablement les monnaies, etc. Donc ça bouscule complètement l'organisation économique de l'Europe. Hein, ça, il faut le dire. Bon. Et sur place, évidemment, dans ce nouveau monde, se créent de nouveaux royaumes, de nouveaux potentats, dont nous n'avons parfois pas toujours conscience de ce côté-ci de l'Atlantique. C'est tout à fait extraordinaire ce qui se passe, dans le sens où les Espagnols, comme vous le savez, quand on visite ces pays, vont construire ces cathédrales extraordinaires, ces plaza mayor, et surtout vont recréer leur Estramadour. C'est-à-dire qu'ils sont nés à Trujillo ou à Cáceres. Et ils transportent et ils vont... au Rio avec absolument. Eux. Absolument. Et puis, ils vont se créer deux familles. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un comme Cortés va avoir trois enfants avec une indienne qu'il va appeler, je ne me souviens plus très bien leur nom, mais disons Inès. Et puis il va avoir trois enfants qui vont porter le même nom d'une femme espagnole. Donc on va arriver à des espèces de double lignée. Quand on travaille dans les archives là-bas, ça ne doit pas être toujours très facile. C'est très compliqué parce qu'il y en a six qui portent le même nom et qui sont de mères différentes. Mais c'est passionnant en même temps parce que les archives, et ça c'est extraordinaire sur l'administration espagnole, et ça explique aussi le fait que le pouvoir n'ait pas été pris, c'est que l'organisation de Charles Quint puis de Philippe II est d'une méticulosité. Il n'y a pas un homme qui passe au Nouveau Monde qui ne soit fiché. On a leur description physique, on a leur combien ils ont dans leur bourse. Donc tout est extrêmement, extrêmement organisé. Alors à partir de l'exemple de Pizarro et de Hernando de Soto, on a vu à quel point les Espagnols avaient bénéficié de circonstances extrêmement favorables pour se rendre maître de l'Empire Inca, puisque d'un côté les Incas étaient en pleine guerre civile et que d'un autre on annonçait l'arrivée de justiciers blancs et barbus qui plus est débarquent sur leurs chevaux, donc qui sont considérés comme de véritables divinités. Ils sont entrés, si vous me passez cette expression, ils sont entrés comme dans du beurre, les Espagnols, dans cet empire inca. Mais comment ensuite ont-ils pu gérer l'immensité et la population? Car il y a bien une population de substrat, ils ne les ont tout de même pas tous massacrés. Non, ils se sont servis des caciques, des chefs incas, dont ils ont épousé les filles. Pizarro a épousé une sœur d'Atahualpa, mais tous vont s'allier comme ça aux grandes familles incas et vont se servir des chefs incas, des caciques incas, pour leurs propres administrations. Et ils vont mettre la population en coupe réglée, ils vont donner des terres à leurs propres hommes, des encomiendas. Soi-disant, les choses sont faites de totalement légales. Évidemment, la brutalité est totale. Donc, c'est à la fois le règne de la terreur et le règne de l'administration. Mais oui, voilà. Et ils vont, comme de cette façon, arriver à administrer ce grand pays. Grâce à la religion, qu'il ne faut pas sûr. Du tout oublier, car okay, ça, c'est le motif officiel de leur conquête. Hein. Absolument. La religion est plus qu'au cœur de la conquête. Officiellement, ils sont là pour sauver des âmes. Et d'ailleurs, ce sauvetage des âmes doit être fait librement. Et la première chose que font les conquistadors, et ce qu'ils feront en continuant à pousser plus loin, ça va être, dès qu'ils mettent le pied dans un nouveau rivage, c'est de prendre possession, au nom de Dieu et au nom du roi, de cette terre et de ses âmes. Ça donne bonne conscience, c'est-à-dire que c'est sans doute ce qui explique l'incroyable dureté et le fait que ces hommes se posent peu de questions absolument, morales. Absolument, puisqu'à partir du moment où pas de cas de conscience, puisqu'ils sauvent. Et à la limite, ils sont là. Ils rendent service. Ils rendent service, absolument. Et c'est vraiment, quand vous lisez les prières, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ils viennent pour extirper, évidemment, le mal et pour sauver. En l'occurrence, l'Empire Inca, puisque c'est lui dont nous parlons, était récent, mais il ne survivra pas du tout, hein, il faut le dire. Hein, c'est une fin pure et simple. C'est-à-dire que une partie de la population va survivre, mais dans un cadre qui est totalement nouveau. Quand on va au Pérou aujourd'hui, est-ce que la culture, est-ce que les mœurs, est-ce que l'influence culturelle inca sont encore perceptibles? Alors, ils sont redevenus très perceptibles. C'est au contraire, il y a un retour et une volonté justement de connaître leur propre histoire et c'est désormais extrêmement important. Et Atahualpa, et nous évoquions le résistant Manco Pacac, est un héros national. Et on fête sa naissance, on fête sa mort, on raconte son histoire. Donc c'est extrêmement, aujourd'hui, extrêmement, extrêmement présent. Mais pendant évidemment des siècles, totalement gommé, totalement inexistant, et la pauvreté de la société péruvienne était sans égale. Oui. Et non seulement elle était pauvre, mais elle était perdue d'une certaine manière. Oui, absolument, absolument. Alexandra Lapierre, je te vois reine des quatre parties du monde. Alors ça, c'est l'histoire de cette femme conquistador qui va mener, alors elle va vivre des aventures qu'on avait racontées à ce micro, oui, hein, tout à fait extraordinaire, de l'amour, du suspense. C'est un véritable grand roman. C'est le roman de l'année, à mon avis. Je l'avais dit déjà, je le répète. Il est disponible désormais en collection de poche chez Pocket. Merci beaucoup, Alexandra Lapierre, d'être venue nous parler par ailleurs de ce roman de Marcel Brion, un roman écrit il y a 80 ans peut-être, et qui ressort, qui sort pour la première fois puisque c'est un inédit, et qui nous raconte donc cette extraordinaire aventure de Pizarro vue par Hernando de Soto, son lieutenant, ivre d'un rêve héroïque et brutal, et c'est édité chez Fallois. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Julia. Elle nous l'a envoyée via le site internet d'Europe 1. Elle aimerait connaître l'origine des couverts de table. Alors je vais m'en tenir, si vous voulez bien, aux trois couverts les plus répandus. Hein, la cuillère, le couteau et la fourchette. Alors la cuillère, c'est ce qu'il y a de plus ancien archéologiquement parlant. C'est-à-dire qu'on a des cuillères ou des choses qui peuvent être apparentées à des cuillères par les archéologues qui remontent facilement à 10-12 000 ans avant notre ère. Donc c'est vraiment le plus ancien ustensile qu'on a longtemps utilisé comme un ustensile collectif. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que, évidemment qu'on avait des cuillères de profondeur, de taille, de forme un peu différente d'ailleurs et adaptées à chaque usage. Il y avait la fameuse cuillère à peau qui trônait, on va dire, au milieu de chaque âtre dans tous les foyers pendant des siècles. Mais la cuillère devenant un instrument individuel et disposé à côté de chaque convive, alors ça c'est beaucoup plus tard. Les toutes premières c'est à la Renaissance, mais on ne les voit se répandre véritablement qu'au XVIIe et XVIIIe siècle. Et c'est seulement à partir du XIXe siècle, lorsqu'on va pouvoir les fabriquer, les estamper, les fabriquer de façon quasi industrielle et bientôt industrielle, qu'on verra les cuillères se répandre dans toutes les couches de la population. C'est Christophe en 1844 qui va inventer le principe du métal argenté. Alors là, on va avoir les ménagères, etc., les argenteries complètes. Alors, un mot du couteau qui lui est sans doute aussi, quasiment aussi ancien que la cuillère, mais pendant très longtemps, là, c'est exactement l'inverse. C'était un ustensile parfaitement personnel. On se promenait avec son couteau. D'ailleurs, les premiers couteaux pliants apparaissent dès la fin du XIVe siècle. Il semblerait, pour autant qu'on puisse le dire, que les premiers couteaux disposés sur la table pour les convives, ce soit la table du cardinal de Richelieu qui, lui, voulait des couteaux à bourron. On disait que c'était parce qu'il avait peur des attentats. Il est plus probable que c'est par dégoût pour la pratique qui consistait à se curer les dents avec le bout des couteaux, pour tout vous dire. Quant à la fourchette, je n'y reviendrai pas longtemps, parce que la fourchette, vous savez que c'est Catherine de Médicis qui l'a apportée en France. Au départ, c'était une fourchette à deux dents seulement. Pendant très longtemps, les bonnes manières s'opposaient à l'utilisation de cet ustensile que Louis XIV considérait lui-même comme barbare. Il préférait se servir à la main, tout simplement. Il faudra attendre le XVIIIe et même en fait, disons-le, le XIXe siècle pour que se généralise l'usage d'une fourchette à plusieurs dents.